Bonjour et bienvenue dans ce 22e numéro de Animer nos mélodies. A partir de ce numéro, nous allons attaquer pas mal de séries fleuves et qui contiennent plusieurs CD soundtrack. Nous avons commencé avec Pat Labor le mois dernier et nous allons continuer avec les musiques de la série télé. Quoi ? Comment ça ? J'ai déjà parlé de la série télé dans le numéro de novembre ? Ah bah oui. Ah bah, honte à moi, je me suis trompé d'album en fait. Celui que je vous ai fait écouter était un image album, sorti avant la série télé pour faire découvrir le manga et la possible série télé. D'ailleurs, cet album aura été utilisé pour les premières séries d'OAV. Mais on en reparlera plus tard. Hein. La deuxième série fleuve, et qui va durer plusieurs numéros, sera Pretty Soldier Sailor Moon, Bishoujo Senshi Sailor Moon. Oui, je redoutais ce moment car le nombre impressionnant de CD pour cette série est déjà assez incroyable, il y en a plus de 30 CD exactement. Aussi, Animé de Mélodie ne vous parlera que des soundtracks, mais je pense faire un omake spécial pour les musiques des jeux, des albums de chansons, etc. Mais avant tout cela, nous allons nous projeter dans une autre série, l'Académie des Ninjas. T'appliquer sans jamais te lasser. Faut tout apprendre, faut tout comprendre, sans se laisser surprendre. Et puis enfin, un jour viendra où l'on sera fier de toi. Faut travailler, c'est ça la loi de l'Académie des Ninjas. Parfois, je sais, c'est difficile d'y arriver. Faut pas pleurer, il faut y aller sans hésiter. Pour devenir un vrai ninja, mon petit Nicolas, il faut avoir au fond du cœur le courage et l'ardeur. Faut se donner sans hésiter, jamais se décourager. Et puis enfin, un jour viendra où tu seras fier de toi. Faut travailler, c'est ça la loi de l'Académie des Ninjas. Et ce jour-là sera le plus beau pour toi, car tu auras enfin réussi ton espoir. Pour devenir un vrai ninja, mon petit Nicolas, faut travailler, faut t'appliquer, sans jamais te lasser. On sera fier de toi à l'Académie des Ninjas. C'était le générique de l'Académie des Ninjas chanté par Jean-Paul Césari, l'illustre chanteur de Nicky Larson. Nommé l'Académie des Ninjas lors de sa diffusion sur la 5 en 1990, puis le Collège des Ninjas pour la diffusion sur TF1 en 1991, cette série sort largement du lot des séries dites comiques en proposant autant d'humour que d'action, tout comme Ranma 1/2, son pendant shonen. Le titre original de la série est Sasuga no Sarutobi, ce qui peut se traduire par « digne de Sarutobi ». Cet animé de 69 épisodes a été créé par le mangaka Fujihiko Osono, aussi connu des téléspectateurs de TF1, avec son autre série phare Gugugamo. On écoute tout de suite le générique japonais chanté par Sayako Ito, Koi no Sumon. Koi no Jumon wa Tsukito Kimeki Tokisu. Sous-titrage Société Radio-Canada. きか嫌いか答えシンプル弾ける視線ですぐわかる少しずれてる性格だってそれはそれであなたにするそうよ Nicolas Sarutobi, Nikumaru en VO, est un élève de l'école des ninjas des chauves-souris. Enfin, il est surtout le meilleur élève de cette académie, pas comme les autres. Bien que son physique ne le laisse pas apparaître, c'est un petit gros d'une gourmandise inimaginable et pervers de surcroît, il a l'âme d'un grand ninja. D'ailleurs, il a une technique secrète, qui lui permet de contrôler le vent, ce qui repousse ses ennemis et soulève les jupes des filles. Petit ami de Mandoline, à qui il a demandé en mariage enfant, il n'hésite pas, aidé de ses camarades de cours, à affronter les élèves de l'école rivale, celle des scorpions, qui, pour le grand malheur de chacun, se situe à côté de l'académie de Nicolas. La musique de cette série, de 1982, va surprendre les plus jeunes d'entre vous, et peut-être aussi les plus vieux. Mais c'est Joe Hisaishi, que vous connaissez peut-être comme le compositeur des films de Miyazaki, et donc du Studio Ghibli, qui l'a composé. Hisaishi-sensei a participé deux fois sur des séries télé, à ma connaissance. La première fois sur cette série, la seconde fois en 1987 sur Julie et Stéphane. La musique de l'académie est surprenante car on ne reconnaît pas du tout le style de Joe Hisaishi. Mais celle-ci est à la fois entraînante, bien rythmée et très sympa à écouter. Allez, on écoute quelques extraits. Comme je vous l'ai dit en introduction, dans l'animé Nos Mélodies 21 du mois dernier, je me suis trompé de CD pour Pat Labor. Il s'agissait d'un image-album antérieur à la série pour faire découvrir le manga et les possibles musiques pour la série télé. Écoutons donc tout de suite et ensemble les musiques de la série télé, beaucoup plus dynamiques et plus soignées à mon goût que l'image-album, et toujours composées par Kenji Kawai, mais on commence tout de suite avec son opening. We'll be right back. Qui est là? Je suis celle qui fait régner la paix sur Terre. Grâce à moi, les enfants peuvent dormir tranquilles et regarder les jolies guerrières de la Lune à la télé. Quoi? Accroche-toi bien, démon, car au nom de la Lune, je vais te punir et écouter animer nos mélodies. ごめんね、素直じゃなくて。 Vous venez d'écouter le générique de la première saison qui a aussi été utilisé tel quel jusqu'à sa troisième saison. Ce générique chanté par Dali s'intitule Moonlight Densetsu, la légende du clair de lune. Comme vous le savez peut-être, la série refait son comeback en 2013 dans un remake, mais adapté du manga et non pas de la série d'origine qui s'en inspire seulement. Et à la musique, Masahiko Takanashi, mais nous sommes bien trop proches du présent, aussi retournons à la belle époque. Nous allons donc nous intéresser à Arezawa Takanori, le compositeur attitré de la série d'origine. Arezawa Takanori est né le 2 avril 1951. Son premier enregistrement date de 1980 sous le label Epic de Sony Records et joué par son groupe, le Soap Chorus Group. Un travail d'écriture qui lui permet un an plus tard de sortir son premier album, Amiot Pier. Celui-ci sera réédité en 1993 grâce au succès de Sailor Moon. Ce premier album sera primé un an plus tard, après sa sortie, par un award du meilleur espoir en tant que compositeur, au Tokyo Music Festival. Par la suite, il va travailler pour la chaîne TBS en participant activement à la plupart des publicités pour la marque Coca-Cola, ainsi que créer une musique pour les 30 ans de la JAL, la Japanese Airline, la compagnie aérienne japonaise donc, en sortant Take Off of Love. En 1983, son groupe Soap se dissout et il commence à être connu de plus en plus comme compositeur-arrangeur durant les années qui suivirent en travaillant déjà pour la Toei, pour des œuvres comme Bikuriman, Super Bikuriman ou Kangyo Chiyuo. Vient la création de Sailor Moon, sa plus grande œuvre. Grâce à sa rencontre avec le producteur de la série Azuma Iriya, il gagne une totale liberté donnée par la Toei. Une confiance intéressante à comprendre, tant la musique composée sort des sentiers battus, surtout parmi les innombrables œuvres de la Toei. Dans le premier soundtrack que nous allons écouter aujourd'hui, et qui a été composé en 1992, Arezawa Takanori a donné une couleur jazzy and folk, rappelant la folie musicale des années 70 et les séries américaines en vogue dont il était très fan, telles que Drôle de Dame, L'Homme de Fer, L'Homme qui valait 3 milliards, sans jamais oublier sa propre identité, du jamais vu, qui lui a permis de recevoir l'année suivante le Golden Disc Grand Prize de la part de sa maison d'édition Columbia Records. A partir de ce moment-là, il devient directeur musical de toute la franchise et au fil des 5 saisons de Sailor Moon, se permet de faire évoluer sa musique vers une orchestration classique, baroque, de grande envergure, pour donner encore plus de profondeur à l'histoire et ses interactions. Il compose aussi pour les comédies musicales qui en découlèrent et qui eurent un énorme succès auprès des enfants mais aussi des adultes, jusque dans les années 2000. Il ne faut pas oublier les jeux vidéo adaptés de la série qui eux aussi ont été composés par Arezawa Sensei et qui dans les sorties CD a réadapté les morceaux avec un véritable orchestre avec plus ou moins de beats. Tout aussi fou, la franchise a aussi permis de créer des chansons à partir de ses thèmes les plus connus et chantées par les seiyuu de la série de l'époque. En 1998, il reçoit un énième prix, le Jazzrock International Award, qui le mettait en tête à l'époque de la personne ayant touché le plus de royalties grâce à ses ventes à l'international. S'ensuit de nombreuses autres œuvres, comme pour les 4 premières saisons de Digimon par exemple, pour finalement, et malheureusement, nous quitter en 2005, suite à un cancer. Je finirai sur une anecdote amusante, celle où Steven Spielberg, ou John Williams, utilisa une de ses musiques, les musiques de Sailor Moon, dans La Guerre des Mondes en 2005. Écoutons tout de suite de larges extraits du premier soundtrack de Sailor Moon. Thank you.

Animer nos mélodies 22, c'est fini. Je tiens à remercier Christophe San qui prépare un livre sur les soundtracks japonais et que je vous recommande de, tout simplement de découvrir en allant sur son compte Facebook, donc qui se nomme Anime OST, hein, Anime espace OST. Je remercie aussi Irulan qui a prêté sa voix à Sailor Moon sur l'intro et que vous pouvez découvrir son travail d'ailleurs sur l'omake spécial que je lui ai consacré ou en allant tout simplement sur son compte Facebook où cherchez Kathleen Irulan Boucher. Je remercie aussi Fabrice Noléo pour m'avoir averti pour Pat Labor. Je remercie aussi, tout simplement RadioAnime.net qui diffuse mon podcast, Yann Kouza et Ryudoka aussi. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année. On se reverra donc à partir de janvier. On se quitte avec un ending chanté par Go Diego, celui du film Galaxy Express 999. Et le titre s'appelle Galaxy Express 999. Allez, je vous dis au mois prochain, et en attendant, je vous souhaite joyeux Noël et bonne année à tous! Ah, et j'oubliais, surtout n'oubliez pas que la musique des animés, ce n'est pas que pour les Japonais!